sans pour sa regret. Wadi a parlé ou mal, a fait pas yo pisal. Moi, pour le comme le total, faut moi trop de raison. Lila pour marier.